sens libre quand j'ai écrit quelques bribes de ma vie. Rapidement dispersé par le bruit de ma ville. J'ai appris que tout ce qui prie vaut pas le prix d'un ami. Force à toi si la zombie te l'a pris. On est ensemble. Je me sens libre quand je t'écris quelques bribes de ma vie. Rapidement dispersé par le bruit de ma ville. J'ai appris que tout ce qui prie vaut pas le prix d'un ami. Force à toi si la zombie te l'a pris. Mon équipe c'est le moteur. Sans elle j'aurais aucun kilométrage. L'important c'est de marquer le but, pas de savoir qui le mettra. J'ai pas besoin d'objet qu'un grand mec. Mon bagage est mince et même s'il y a pas qu'un chemin, il y en a qu'un quand même. Dehors les nœuds je galère alors ça t'est pris. Là, mais les politiciens courent toujours, mais pour ça les flics te ramènent. Car ta conscience pour toi, ça t'évite de la perdre. La nuit je prends de la hauteur comme le satellite de la Terre. Envie de casser la démarche quand je témoins le rétroviseur. 16 balles et je casse les débarches, je voulais démarrer le proviseur. Comment rester calme, problème inextricable. Mental inexplicable comme une ex qui capte. Elle a directrice, ferme tes fesses, veux pas tes conseils machinas. Pour un mot m'agiter comme moi, faire le conseil machinal. J'étais qu'un gosse marginal, je faisais mes courses au marché noir. Et quand maman s'en rendait compte, c'était le cauchemar chez moi. Entre chien de la casse et aucun combien de mecs sincères, aucun flic quand ça sent le gaz et retient le flow du 75-015. Je me sens libre quand je t'écris quelques bribes de ma vie. Rapidement dispersé par le bruit de ma ville. J'ai appris que tout ce qui prie vaut pas le prix d'un ami. Pense à toi si la zombie te l'a pris. Je me sens libre quand je t'écris quelques bribes de ma vie. Rapidement dispersé par le bruit de ma ville. J'ai appris que tout ce qui prie vaut pas le prix d'un ami. Pense à toi si la zombie te l'a pris. Yo. De toute façon on va tous canner. Ouais. Ouais l'ami. Et quand on va cramer on dira tous ouais c'est déjà pris nous la mise. Vision décalée, le vice s'invite sans rien déclarer. Tu trouveras des caméramans qui m'ont décamé en camis. J'essaye de sauter le pas, la vie me tire par les genoux. En vrai j'ai plus tendance à être attiré par mes genoux. La femme et les ruses, l'homme et les mots. Pour vous ils sont beaux mais ils sont tous faux. De la nuque à l'anus. Nick, j'ai quelques vrais, le reste qui sont-ils? Face le salam, le regard froid et puis ce kill. Bref, je vais là où la vie mène, je pleure avec des fous rires. Je mène une vie de merde, je raconte mes emmerdes avec le sourire. Je refuse l'invitation car électrique est la chaise. La vie, la mort, j'ai le cul entre deux pierres, la chaise. Seulement nos actes diront si nous sommes validés. Je suis mal parti, un peu comme Johnny, je m'y fais Alidé. J'ai appris que la vie fait pas de gâteau. J'efface mes crasses avant le crash sur l'asphalte. Nourri de merde, mais je suis pas ce gâteau. Noël sous la paperasse, je vois la daronne devenir paro. Les frères disparaissent sans tour de passe-passe. Mon équipe t'épate, y'a pas que les noises qui vont faire un tabac. Tenzu, c'est à ta en tabasse. Bien plus hard que tabac ta cache. T'es comme cette pauvre, sans paname, négro, t'as pas ta place. Bien c'est pas le bruit des sirènes. La symphonie des balles résonne dans ta ville. Les tympans percés comme la citerne. Assisté par nos cités, vitri c'est trop de speed. Confrontant nos idées, on casse des têtes pour se montrer qu'on est ouvert d'esprit. Ouais, imagine ma tête en poster dans la chambre de ce flic. Ma ville est douce comme ces quelques notes. Mais cette caisse claire me rappelle à quel point elle peut être brutale. Pense à tout ce bonheur qu'elle te donne. Et qu'être bon avec un bruit de balle. Sois prudent, les gens n'ont plus d'âme. Je ne viens pas dans la rue, moi tu sais j'y dors pas. Mais quand une chienne approche, je sais qu'elle ne mord pas. Je n'ai que des cauchemars et la nuit je dors mal. Car mon pote est mort là, comme si c'était normal. Mon pote est mort là, sans même me dire au revoir. Y'a des milliers d'autres âmes tuées pour de l'or noir. Et des milliers d'enfants tenaillés par le manque. Comment veux-tu que les parents parlent manque? Tellement de haine, tu comprends pas quand on regarde le monde. J'aurais peut-être moins d'attentats sans tous ces bombardements. Les gouvernements veulent la guerre mais pas le peuple. Alors je me demande pourquoi les balles pleuvent. Je me sens libre quand je t'écris quelques bribes de ma vie. Rapidement dispersé par le bruit de ma ville. J'ai appris que tout ce qui prie vaut pas le prix d'un ami. Pense à toi si la zombie te l'a pris. Je me sens libre quand je t'écris quelques bribes de ma vie. Rapidement dispersé par le bruit de ma ville. J'ai appris que tout ce qui prie vaut pas le prix d'un ami. Pense à toi si la zombie te l'a pris.